L'actualité à Nancy et ailleurs. À Malzéville, la transhumance est de retour le dimanche 29 mars. C'est à partir de 9h30 sur le domaine de Pixérécourt. Jérôme Joubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes aux commandes donc, du troupeau qui va s'élancer pour cette 18e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en quoi consiste cette transhumance? On propose, en fait, c'est une journée complète. Ça démarre à 9h sur la ferme de Pixérécourt avec une visite de la ferme. Donc voilà, il y aura de la traite, démonstration de chiens de troupeau et puis découverte des différents animaux de la ferme. Donc ça, c'est nos étudiants qui sont en formation sur les métiers de l'élevage qui vont assurer cette partie-là. Et puis à partir d'11h, donc les brebis vont partir du lycée agricole en traversant Malzéville pour rejoindre le plateau où elles vont passer une grande partie de l'été. Et c'est un rendez-vous très populaire, hein, plusieurs milliers de personnes à chaque fois sont présentes. Ouais, c'est soleil au rendez-vous, voilà, au cours de la journée on peut avoir plusieurs milliers de personnes qui viennent découvrir notre activité et puis partager ce moment de notre quotidien avec nous. Combien de moutons cette année au départ? Un petit effectif, 75 moutons qui vont monter puisque les autres brebis sont encore avec leurs agneaux, donc elles les rejoindront dans quelques temps. Et puis on est en train de travailler pour une petite surprise là, sur le parcours avec d'autres animaux qui vont sûrement rejoindre les moutons pour passer l'été là-haut au plateau. On n'en dit pas plus, bien sûr, il faudra être là pour découvrir. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce temps fort et puis le fait qu'il y ait toujours autant de monde sur place? Alors pour nous, c'est vraiment un moment d'échange, quoi. Voilà, on parle d'alimentation, c'est assez important pour nous de faire le lien avec les personnes qui vont consommer nos produits, qui vont partager cet espace aussi qui est le plateau de Malzéville sur lequel on va interagir avec eux. On est à la fois toujours surpris d'avoir cet engouement pour cette manifestation qui tous les ans réunit beaucoup de personnes avec nous. Et comment le vit le troupeau de voir autant de monde? Ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir autant de public. Ouais, alors ils sont très habitués à se déplacer puisque nous on fait beaucoup de déplacements tout au long de l'année, donc ils sont habitués à marcher, mais là c'est vrai qu'il y a toujours une petite pointe de stress parce que voilà, tout ce monde qui est là, c'est un environnement nouveau, mais voilà, ils gèrent très bien. Les brebis pour la plupart sont déjà habituées parce qu'elles ont déjà fait des transhumances, voilà, certaines elles sont 4 ou 5 transhumances. Et vous avez évoqué bien sûr que les étudiants étaient très impliqués hein, dans ce rendez-vous. Oui, alors il y a les étudiants en formation métier de l'élevage qui, alors eux, ils vont présenter aussi le métier autour de l'élevage des animaux et puis ceux qui s'occupent de la restauration sur place, qui vont proposer voilà des sandwichs pour tous les participants qui le veulent. Et puis on a les étudiants qui sont en formation gestion protection de la nature qui, eux, sont plutôt sur la partie animation pour faire le lien entre agriculture et puis protection de ce milieu qui est le plateau de Malzéville. C'est une cinquantaine de jeunes qui seront présents sur l'événement avec nous. Voilà, c'est une belle occasion de découvrir tous ces métiers si essentiels. Quel conseil vous pourriez donner pour mieux profiter de cette journée pour des personnes qui seraient jamais venues? Il faut des chaussures de marche parce que le parcours fait 4,5 km, donc voilà, on marche à un rythme assez conséquent, une gourde d'eau pour se rafraîchir parce qu'il peut faire aussi chaud sur le parcours et il y a un petit peu de dénivelé. Puis voilà, après on est là pour profiter de l'instant, pour se détendre et puis voilà, il n'y a pas de pression particulière. Voilà, un bon moment de convivialité à vivre le dimanche 29 mars, c'est à partir de 9h30 sur le domaine de Pixérécourt. Merci beaucoup Jérôme Joubert. Merci. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.